cours numéro 25. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir al-bab al-rabi' wa al-ashirin, le 24e chapitre, dhikru al-zajf ala al-tama' ila al-nas. Et ce chapitre est celui qu'on va voir aujourd'hui, bi'idnillah azza wa jal, wa hakada le suivant, ils sont liés, ces trois chapitres. Amma, le chapitre numéro 24 est celui du cours précédent, fi at-tama', fa taqaddam ma'ana, wa lillahi alhamd, la lecture, et on a profité. Et là, on peut rajouter at-ta'rif, la définition de at-tama' qu'on n'a pas cité dans le tarse précédent. قال المناوي رحمه الله الطمع تعلق البال بالشيء من غير تقدم سبب له. فهذا تعريف جميل. C'est une définition qui est très juste. قال الطمع تعلق البال بالشيء. C'est le fait de vouloir une chose. البال c'est ce que tu penses, ce que tu as envie d'une chose. القلب يتعلق بهذا الشيء اي le cœur il s'attache à cette chose mais une غير تقدم سبب الله sans faire la cause pour avoir cette chose. Et cette précision elle est importante. لماذا؟ لأن tu peux vouloir une chose, désirer une chose bien sûr dans le halal qui est autorisé, qui est permis, ثم tu fais les causes pour avoir cette chose. Alhamdulillah, tout cela c'est permis bien sûr. لكن celui qui veut une chose ثم il tombe dans l'excès. ثم كذلك il ne fait pas les causes. Ben, il espère qu'un tel lui donne. Il a akhiri, هذا c'est un khuluq dhamim. هذا c'est un mauvais comportement. Ce mot, at-tama', ils le traduisent par l'avidité. Et dans le Larousse, ils ont cité une définition كذلك qui est طيب pour éclaircir encore plus khasatan pour nos frères francophones. Dans le Larousse, l'avidité, c'est le désir immodéré de dévorer ou de posséder quelque chose. Le mot désirer, désir immodéré, ça montre que c'est un excès. Donc c'est dans le cœur, c'est cet excès de vouloir une chose, de dévorer ou de posséder quelque chose. On voit la différence entre l'arabe et le français. Cette précision en arabe, min ghayri taqaddum sababillah, sans faire de cause, tu la trouveras pas dans les dictionnaires en français. Limadha li'anna, cet ajout qui est en langue arabe, c'est par rapport au din. En langue française, eux, ils ne préciseront pas faire les causes ou ne pas faire les causes. Là, en arabe, tu as cette précision qui est essentielle pour comprendre. C'est un mithal tayyib pour montrer encore plus que la langue française, c'est pas suffisant pour apprendre notre din. Abadan. At-tama' ta'alluq al-bal bi shay' min ghayri taqaddum sabab lahu, sans faire cette envie qui est dans le cœur, ce mauvais comportement, cet excès dans l'amour de dunya, penser qu'à dunya, hatta al-insan, roubama, il voudrait avoir ce que les autres ils ont, lakin sans faire de cause, ben il espérerait qu'il lui donne. Cette envie dans le cœur, elle va pousser à quoi? Elle va pousser à al-mas'ala, au su'al. Et c'est le chapitre qu'on va lire ensemble. Bitawfiqillahi azza wa jal. الخامس والعشرون لفنسانكيم شابيت ذكر الحث على مجانبة المسألة وكراهيتها. Vu que الطمع qui est dans le cœur de l'insan, l'avidité donc en français, ça va pousser هذا الانسان à se rabaisser, à s'humilier et Obama à demander aux autres. Alors que au lieu de faire les causes, travailler et rechercher sa subsistance lui-même en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, là, vu que ce tombe, c'est un mauvais comportement, il va le pousser à un autre péché, à un autre mauvais comportement. Wa huwa al-mas'ala al-muharram. Le mot mas'ala, ça vient de su'al, à y demander. Mendier. Ce deuxième chapitre, كذلك, il est lié avec le suivant. Le suivant, qu'on lira, incha'Allah ta'ala, dans le prochain cours, ذكر الحث على لزوم القناعة. Après avoir montré ces mauvais comportements, الطمع, l'avidité, qui pousse à السؤال à Mondi. Rahimahullah, il a cité ce troisième chapitre في ذكر الحث على لزوم القناعة. أي المؤمن pour s'écarter de ces maladies du cœur, il doit avoir هذه القناعة. القناعة, c'est de se suffire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a décrété, il nous a donné. C'est ça, القناعة, et inshallah ta'ala, ça sera le sujet du prochain dars. هذا pour faire le lien entre ces trois chapitres qui sont très très importants. قال الإمام ابن حبان رحمه الله. Donc le 25e chapitre, الخامس والعشرون ذكر الحث على مجانبة المسألة وكراهيتها. Donc la مسألة, on répète, c'est ça vient du mot سألة, ça vient du mot سؤال, à la même racine. Donc le fait de demander, le fait de mendier, alors que l'insan il peut faire les causes. On verra que c'est haram ou c'est makruh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité أوصاف هؤلاء الصالحين al-sahaba qui étaient avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient fuqara, ils avaient peu, c'était des pauvres. Alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Ils n'avaient pas les moyens de se déplacer avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour faire le jihad. Hatta kama ja'a fi al-hadith anna bal ja'a fi al-Qur'an kadhalik anna certains parmi eux ils pleurent. Il pleurait quand as-sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils se déplaçaient pour combattre fi sabilillah et eux ils n'avaient pas les moyens. Il y en a à l'époque, il fallait certains moyens, une monture, etc. Et eux ils n'avaient pas. Donc, fi hadha al-hal, ahyanan ils ne pouvaient pas se déplacer et ça les rendait tellement tristes qu'ils pleuraient. Ça montre anna ha'oula sadaqou ma'Allah azza wa jal. Et parmi leurs caractéristiques, parmi leurs awsaf, radiyallahu anhum, qala yahsabuhumul jahil aghniya min at-ta'affuf. Tellement qu'ils ne demandaient rien aux autres, tellement qu'ils ne se plaignaient pas. Al-jahil, celui qui ignorait leur situation, il pensait que c'était des aghniya, c'était des riches, ils possédaient. Tellement qu'ils ne demandaient pas. C'est quoi qui les poussait, à ne pas demander at-ta'affuf? Ay al-'iffa. Le prochain chapitre qu'on verra ensemble بإذن الله عز وجل. قال تعرفهم بسيماهم. Ils sont reconnaissables هؤلاء avec leurs caractéristiques, des comportements qu'ils ont. Parmi ces comportements, قال لا يسألون الناس إلحافا. Ils ne demandent pas aux autres. Ils patientent. قال ابن القيم رحمه الله تعالى. Il a cité plusieurs فوائد. ثم قال تركهم مسألة الناس. Et parmi leurs caractéristiques, annahu ils ne demandent pas aux autres. Qala fala yasalunhum ilhafa wal ilhaf huwa al ilhah. Donc qawluhu la yasaluna an-nas ilhafa, ilhafa c'est un wasf. Et le fait de demander, ça peut être avec hada al ilhaf wal ilhaf, c'est l'ilhah, c'est le fait d'insister. Wa ba'd an-nas ils ont hada kadhalik hada al wasf annahum ils demandent et ils insistent. Celui qui demande, si il a une excuse pour demander, comme on verra dans notre dars, il n'a pas de demander avec al-ilhaf ou al-ilhah. Voilà. Qala wa nafi mutasallitun alayhima ma'an. Et ça, c'est une faïda. On ne lira pas kalam al-mufassirin dans ce verset. Lianhum khtalafu dans le sens. Wa ibn al-qayyim rahimahullah huna bayyana anna. Ne pas comprendre annahum ils ne demandaient pas aux autres en insistant, ça veut dire qu'ils demandaient sans insister. Là, ça c'est un qawl. Lakin al-qawl al-sahih, c'est ce qawl que Ibn al-Qayyim il a cité. Enfin, annavi, qawluhu la, c'est pour le su'al et c'est pour l'ilhaf. Et ils ne demandaient pas, et encore moins avec l'ilhaf, en insistant. Qala, la yas'aluna. قال ام ريبيت والنفي متسلط عليهما معا قال فليس يقع منهم سؤال يكون بسببه الحاف لانه سليه لا يسألون الناس إلحافا أي ils ne demandent pas aux autres pourquoi parce qu'en général ça va pousser à هذا الإلحاف. Et il y aura une autre précision qu'il a cité, قال وفيه كالتنبيه على أن المذموم من السؤال هو السؤال الإلحاف فأما السؤال بقدر الضرورة من غير إلحاف فالأفضل تركه ولا يحرم. نعم donc on retire de ce verset على كل حال أن السؤال بالإلحاف en insistant خاصة celui qui n'est pas dans le besoin فلا شك أنه هذا c'est مذموم c'est interdit dans notre دين. أما celui qui est في ضرورة celui qui a besoin, qui a fait les causes, لكن مع هذا il n'a pas de quoi subvenir à ses besoins, ففي هذا الحال يجوز له de demander. لكن كذلك sans se rabaisser في هذا الحال. Même s'il demande, s'il peut demander مثلا une dette, فأفضل. Et كذلك قال رحمه الله من غير إلحاف, sans insister bien sûr et sans se rabaisser. قال فالأفضل مع هذا même s'il y a un besoin et même si c'est sans insister قال فالأفضل تركه ولا يحرم c'est pas interdit لكن le mieux c'est de délaisser et de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala demander à Allah azza wa jal faire les causes ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala il lui ouvrira les portes et lui donnera من الرزق من حيث لا يحتسب هذا المؤمن هذا كلام جميل الإمام ابن القيم رحمه الله على ريفيرانس بدائع التفسير le verset qu'on a lu من سورة البقرة le verset numéro 273 أما ما يتعلق بالمسألة on va lire كلام ابن حبان كلام مفيد وكذلك on avait fait on le répète on l'a déjà dit dans le dernier cours لكن on le répète هنا للمناسبة on a traité ce sujet ولله الحمد dans une kalima à part, et on s'était basé sur la risala de Sheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, dham al-mas'ala. Enfin, il a cité beaucoup de hadiths dans cette risala qu'on ne répétera pas ici. Les ma'adha, les anna, on les a déjà cités. Et si on en cite quelques-uns, pour détailler, pour argumenter encore plus. Enfin, on lira quelques hadiths, inshallah. Qabla dhalik, on lit le hadith que l'imam Ibn Hibban, il a cité, rahimahullah, « Qala akhbarana Abu Yazid, Khalid ibn al-Nadr, ibn Amr al-Qurashi bil-Basra, qala haddathana Abdul Wahid ibn Ghiyath, qala haddathana Hammad ibn Salama, qala haddathana Hisham ibn Urwa, an Abi, an Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qala, لا يأخذ أحدكم حبلا أو لأن يأخذ بلوتو لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها خير لهم من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه الحديث إلي في صحيح البخاري عن هشام بن عروة به avec ce إسناد comme il a cité le محقق في الحاشية donc dans ce hadith النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبلا أي que l'un d'entre vous il travaille et il a cité ce travail qui est très très difficile عمل شاق فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها أي que l'un d'entre vous il transporte du bois et là chacun c'est un عمل qui est assez difficile transporter du bois, ça demande un effort, se déplacer, couper du bois, thumma le rassembler, thumma le porter, l'emmener au souk et le vendre. Et là, chacun a ce amal, il n'y aura pas des gains énormes. Malgré cela, c'est mieux que de demander aux autres. Pourquoi ? Celui qui demande, peut-être que certains vont lui donner, et là, chacun a beaucoup ils ne lui donneront pas. Donc c'est une cause d'être humilié. Kadalik c'est une cause de délaisser les asbab. Kadalik c'est une cause d'affaiblir sa foi. L'insan, il attendra toujours que les autres lui donnent. Et il délaissera les causes et en délaissant les causes, ça va affaiblir son tawakkul à Allah. Enfin, on doit s'habituer à hadha. Et on doit faire très très attention de ne pas s'habituer à tendre la main. Encore plus aux ennemis de l'islam, ya ikhwan. Lien akhouk al-muslim, Robama il va te donner, Robama il ne va pas te donner. Et ma'ada, si tu demandes, et celui qui a connu ça, la shakanahu, c'est très très difficile pour le nefs. Celui qui demande et qui tend la main, il sent de l'humiliation. L'être humain, il est hakada. Il n'aime pas tendre la main. Sauf ceux qui prennent l'habitude. Avec ton frère musulman, Rubama, il te donnera, Rubama, il te donnera pas, et tu vas ressentir hada, cette gêne. Amma, al-kafir aduullah. S'il te donne, c'est qu'il a un maqsad. Et s'il te rejette, fait, tu m'humilieras. Wallah yarhamouk. On doit faire attention à ça. On doit faire attention et s'habituer à faire les causes nous-mêmes, placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, patienter face à la difficulté, même si le travail il est difficile. Fa kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa khayrun la. C'est mieux que de demander aux autres. Limadha li'anna c'est une maladie, ya ikhwan. C'est une maladie du cœur. C'est pour ça que l'ulama, il cite cette maladie dans les livres qui concernent les comportements. Pour montrer, ça peut pousser le musulman à faire des choses très très graves. Qala Abu Hatim rahimahullah ta'ala, al-wajib ala al-aqil, mujanabatu al-mas'alati ala al-ahwal kulliha. Al-wajib, c'est une obligation pour al-aqil qui veut préserver son din, qui veut avancer dans son din, qui veut améliorer son comportement, qui veut éviter al-haram, qui veut éviter d'être humilié, de s'écarter de al-mas'ala. Étendre la main, demander aux autres. Dans tous les cas, on verra que dans certains cas, ça peut être permis, celui qui n'a pas le choix. On se le met en tant que base dans notre cœur. Je ne demande à personne. Et je fais tout pour rien demander. Et je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et je fais les causes. Celui qui ouvre la porte au départ, il prend cette habitude. À chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, un coup de téléphone. Il m'a un proche, il m'a un ami, il m'a un voisin. Il va faiblir. Son cœur, sa foi, elle va faiblir. Et faire les causes, ça sera très très difficile. Qala ولزوم ترك التعرض لأن الإفكار في العزم على السؤال يورث المرء مهانة في نفسه ويحطه رطوة عن مرتبته. نعم, le fait d'y penser, ça te fera du mal. Et ça fait baisser la foi. Et c'est une cause d'humiliation. Et là, chaque insan, l'être humain, en tant qu'être humain, il n'aime pas cela. Enfin, celui qui y pense, aslan, cette pensée, ça lui fera du mal. Qui prend cette habitude, en a aussi un besoin. De toute façon, je vais demander aux autres. Alors, qui peut faire les causes? Alors que, ahyanan, c'est pas un besoin vital. Lakin, c'est une maladie. Ça devient une habitude. Une mauvaise habitude. قال وترك العزم على الإفكار في السؤال يورث المرء عزا في نفسه ويرفعه درجة عن مرتبته. أما celui qui n'y pense pas, aslan. يورث ذلك المرء عزا في نفسه. De la fierté. Son honneur, il sentira que son honneur, walillahi alhamd, il est préservé. Et kadhalik, c'est une cause que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élève. Limadha li'annahu, s'il ne demande pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller travailler. Il va faire les causes. Et travailler et faire les causes dans le halal avec une bonne intention, c'est une cause pour être élevé en degré. Limadha li'annahu, celui qui a une bonne intention, c'est des hasanat. C'est des récompenses. C'est des bonnes actions. Et là, chacun a les bonnes actions. Ça élève en degré. Et Cheikh Mokbil, donc, si on revient à sa risala, Dham al-Mas'ala, il a compilé plusieurs hadiths sur ce sujet. Dham al-Mas'ala, donc le titre Dham, c'est quelque chose de mauvais, quelque chose qu'il faut éviter. Al-Mas'ala, la mendicité, le fait de demander. Il a cité plusieurs hadiths. Minha, qala, na'am, an Hubshi, ibn Junad, radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. Celui qui demande alors qu'il n'a pas ce besoin, من غير فقر, alors qu'il n'est pas dans le besoin. لكن il demande, عياذا بالله, بعضهم, c'est devenu un métier. Il mendie, il demande. لماذا لأنهم, ils ont la maladie du tam' dans le cœur et ils veulent s'enrichir encore plus. Et Gadalé, qui sont la cause, les vrais pauvres, les véritables pauvres, ils sont privés à cause d'eux, ou une partie du bien qu'ils pouvaient avoir, à cause de Ha'oula al-Kadhabun, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل celui qui demande alors qu'il n'est pas dans le besoin فكأنما يأكل الجمر. C'est comme s'il mangeait des braises. لماذا؟ لأن cette demande elle est haram. Et dans l'autre hadith قال صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. Celui qui demande, qui tend la main, qui demande aux autres alors qu'il a de quoi lui suffire pour manger, pour se vêtir, etc. فإنما يستكثر من النار. هذا il fait qu'augmenter النار. Il pense que lui il augmente ses biens, il fait qu'augmenter النار, le feu. Et ça peut être une cause de châtiment يوم القيامة. نعم. Et d'autres hadiths. فراجعوا هذا الكتاب. C'est une رسالة مختصرة فيها فوائد كثيرة. ثم قال رحمه الله ومن كلام ابن حبان قال ولقد حدثنا محمد ابن المنذر قال حدثنا الفيض ابن الخضر التميمي قال حدثنا عبد الله ابن خنيق قال قال موسى بن طريف إن الحاجة لتعرض لي إلى الرجل فيخرج عزي من قلبي فأقطع الحاجة من ناحيته فيرجع عزي إلى قلبي. أي موسى ابن طريف رحمة الله عليه قال إن الحاجة أحيانا il est dans le besoin et il pense, il réfléchit à demander à un tel من الناس أي de lui donner. قال فيخرج عزي من قلبي. Et quand il pensait à demander, il sentait directement à son honneur, cette fierté que le mu'min il a dans le cœur, directement s'était touché. قال فأقطع الحاجة من ناحيته. ثم quand il arrêtait de penser et de demander à un tel, قال فيرجع عزي إلى قلبي. ثم quand il arrêtait et il faisait tout pour ne plus penser à ça, il ressentait cette fierté, son honneur qui est préservé fi قلبه رحمة الله عليه. قال وأخبرنا محمد بن سليمان ابن فارس الدلال قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو عباد أي يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى بنيه عند موته. دونك حكيم بن قيس ابن عاصم دونك عن أبيه دونك c'est son père. أنه أوصى il leur a conseillé parmi les الوصايا تعلمون أن الميت avant de mourir يوصي un testament ou autre où il conseille directement à ses enfants faites telle chose. Et dans ce moment l'insan là il va conseiller, il va mettre en garde contre des choses très très importantes. Faqala awsa bani 'inda mawti avant de mourir il leur a conseillé madha qala ya bani. Donc c'est un conseil pour tous ses enfants. Iyyakum wa mas'alat an-nas. Il leur a dit faites attention, ne demandez pas aux gens. Ne prenez pas cette habitude. فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الرَّجُلِ هذه نصيحة طيبة. أي c'est la dernière étape. C'est la dernière étape. أحيانا tu peux ne plus avoir. Tu es dans حالة محرجة ضيقة. Tu n'as plus le choix في هذا الحال. Tu as fait toutes les causes. Tu demandes à Allah سبحانه وتعالى من فضله. Et dans ce cas, si tu demandes... Enfin, celui qui a une bonne intention, ثم il redonne cet argent si c'est un prêt. Alhamdulillah. Amma la mettre en première étape. Arrêtez de faire les causes. Prendre cette habitude. Encore plus ceux qui n'en sont pas dans le besoin. C'est muharram avec tous les hadiths qu'on a vus, qu'on a lus aux certains. لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال c'est comme s'il mangeait des braises. C'est comme s'il augmentait son feu. La chaque année, ça montre que c'est haram. لماذا؟ لأن العذاب كي يستيل شديد. ثم قال أبو حاتم رحمه الله العاقل لا يسأل الناس شيئا فيردوه ولا يلحف في المسألة فيحرموه. العاقل ne demande pas aux gens. لماذا؟ لأن la plupart des gens ils repoussent. La plupart des gens ils repoussent ce qu'ils leur demandent. خاصة si tu demandes à des gens que tu ne connais pas. Encore plus dans certaines régions, dans certains pays. Les الفقراء ils sont très très nombreux, ceux qui mendient, qui demandent, ils sont ils sont nombreux. La shak anna ceux qui demandent, ils sont rejetés. Kathiran. قال ولا يلحف. On a dit l'ilhaf, c'est insister. Fil mas'ala fayahrimuha. Et ça, c'est encore pire, c'est encore plus grave. لماذا لأن celui qui insiste, il se rabaisse, il se rabaisse. Rubbama, ça dure quelques minutes et à la fin, il lui dit non. Ah là, c'est très très dur pour le nefs. قال ويلزم التعفف والتكرم ولا يطلب الأمر مدبرا ولا يتركه مقبلا لأن فوت الحاجة خير من طلبها إلى غيرها وإن من سأل غير المستحق حاجة حط لنفسه مرتبتين ورفع المسؤول فوق قدره. كلام جميل. Celui qui demande, il demande, خاصة il demande à la mauvaise personne. فهذا il va se faire du mal dans deux choses. قال مرتبتين. La première مرتبة, c'est quoi? C'est le fait de se rabaisser en demandant. Et c'est pas facile, hada. Et on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve. Et on doit demander à Allah azza wa jal an yughniyana azza wa jal min fadlih. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ne nous met pas dans cette situation. Et le fait de tendre la main aux autres. Enfin, celui qui tend la main, la shak an hada samina thul. Il va sentir une humiliation. La ya'lamuha illa ceux qui ont déjà demandé. Ça, c'est la première. La deuxième, après cette humiliation d'avoir demandé, Obama, une deuxième humiliation, cette personne, elle dit non. Elle le rejette. Elle dit, je ne te donne pas ou je ne te prête pas. Obama, c'est encore plus dur. Tant qu'on peut se préserver, on se préserve. Tant qu'on peut patienter avec ce qu'on a, on patiente. Tant qu'on peut faire les causes, falhamdulillah. Ardullah wasi'a. Celui qui a besoin, falhamdulillah. Khasatan, s'il a la santé, s'il est encore jeune et il peut se déplacer, il peut travailler, falhamdulillah. Al khayr mawjoud. Thumma qala, haddathani Muhammad ibn al-Mundhir. Qala, haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Mudrik. Al-Misri qala, sami'tu Hamid ابن يحيى يقول سمعت سفيان ابن عيينة يقول من سأل نذلا حاجة فقد رفعه عن قدره. Et كذلك si tu demandes à la mauvaise personne, مجرم من المجرمين أو فاسق من الفاسقين أو كما قال سفيان نذل, quelqu'un qui mérite pas, que tu lui donnes cette importance, si tu lui demandes, là je sais que quand tu vas lui demander, c'est comme si tu l'élevais, il va se gonfler. Et vu que si c'est une mauvaise personne, même s'il te donne, il te fera beaucoup de mal. La moindre chose que tu lui diras, il te rappellera. Obama, il t'affichera devant les autres. L'insan, nastavid min hada, plusieurs choses. Donc, si on reprend étape par étape, awalan, on essaye de rien demander. Thanian, si on a un besoin, on fait les causes. Si vraiment, l'insan, à cause d'une maladie, à cause d'une épreuve, il ne peut pas, et il a vraiment des besoins, il demande à Akh min al-Ikhwan qui est à la khair et qu'il ne le rejettera pas, et huwa kadhalik, il assume ses responsabilités. Si c'est un prêt, il fait tout pour rembourser. At-ta'awun fi hadha al-bab, c'est tayyib. Amma demander à n'importe qui et se faire rabaisser, hadha la yanbaghi. Hadha kalam Sufyan ibn Uyayna rahmatullah alayh. Thumma qala akhbarana Muhammad ibn al-Muhajir al-Mu'addil قال حدثنا أبو جعفر نعم قال حدثنا حاجب ابن أبي علقمة العطاردي قال سمعت أبي يقول قال مطرف ابن عبد الله بن الشخير لابن أخيه يا ابن أخ إذا كانت لك حاجة إلي فاكتب بها في رقعة فإني أصون وجهك عن ذل السؤال وبدل الجهال وأنشد في ذلك. هذا طيب إذا سمعت أن العقلاء, quand ils sentent que leur frère, il a besoin, certains, si c'est un proche, si c'est un ami, un voisin, et tu sais qu'il a besoin, n'attends pas, il y a Akhil Karim qui te demande. Certains, celui qui a les moyens et celui qui veut faire du khayr. Profites-en. On ne doit pas laisser Shaitan nous pousser à agir, à se comporter comme Al-Kafar Al-Fajara. Ta'lamoun anna Al-Kafar Al-Mujrim, à cause de leur éducation qui est fondée sur le bukhl et l'égoïsme, si tu ne lui demandes pas, jamais il propose. Un musulman, il ne doit pas être comme ça. Voilà, si tu sens que ton frère il a besoin, n'attends pas. Les anna ba'd al-ikhwan, ils ont لله الحمد هذه العفة, ils ont de la fierté et ils ne peuvent pas demander. Enfin, tu n'attends pas que ce frère il arrive à ce stade, à ce niveau. Là, si tu sens qu'il a besoin et tu peux l'aider, et tu veux l'aider, les anabad les khouan, ils peuvent et ils veulent. Lakin, ils ont cette habitude de maintenant de dire à leur frère, si tu as besoin, tu me dis. N'attends pas, là, si tu veux faire du khair, ya akhil karim, fais le khair. Khassatan avec ton frère, le musulman qui a besoin. Là, je sais qu'on connaît la situation maintenant de nos proches. On a tous des proches maintenant qui sont vraiment dans le besoin. Tu sais qu'ils ont du mal à finir le mois, ils ont du mal à payer les factures, ils ont du mal beaucoup de choses. Thomas, tu trouves, nous, ahyan, on dit à Haoula, si tu as besoin, n'hésite pas. Il a besoin, ya akhil karim. Lakin, le fait de dire n'hésite pas, c'est le pousser à demander, et ouais, il ne veut pas demander. Si on a une bonne intention, et maintenant, tu veux lui donner une certaine somme, tu veux lui donner quelque chose, et tu lui donnes. Et tu as une bonne intention, tu vas faire plaisir à ton frère, tu vas aider à ton frère, et tu as une énorme récompense. On a cet exemple de nos imams. Donc, Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir, il a dit à Ibn Akhi, ta'ammalou son neveu. Ça nous montre l'entraide commence par tes proches, Akhil Karim. Certains de tes proches, l'Obama, ils ont des besoins énormes. Surtout si toi, Allah subhanahu wa ta'ala, fataha alayhi. Faqala yabna akh, aïe son neveu, idha kanat laka haja, si tu as un besoin, qala faktub biha fi ruq'atin va inni asun wajhak. Na'am, aïe, tu vas pas voir les autres. Les autres, l'Obama, ils vont te rabaisser, ils vont te rejeter à ma... Entre familles, ça reste entre familles. Thoma, il lui a dit, Anna, je m'occuperai de tout. Thoma, il a cité des vers de poésie. Qala Abu Hatim, Adamul Masa'ib, Su'ul Khuluq, Wal Mas'alatu Minan Nas. Il a cité Adam, Adamul Masa'ib. Parmi les plus grandes catastrophes, les plus grandes calamités, c'est le mauvais comportement. Ça, c'est très très grave. Et Al Mas'alatu Minan Nas, demandez aux autres. قال ولهم بالسؤال نصف الهرم فكيف نعم والهم plutôt j'ai dit ولهم لا والهم بالسؤال نصف الهرم فكيف المباشرة بالسؤال le fait de penser à demander واحد مثلا il a des besoins il réfléchit il veut demander à tel frère ça c'est نصف الهرم الهرم c'est la vieillesse et c'est des soucis فكيف المباشرة فكيف demander directement على شك أن هذا c'est très difficile. قال ومن عزت عليه نفسه صغرت الدنيا في عينيه ولا ينبل الرجل حتى يعف عما في أيدي الناس. Et ça c'est مهم. Si on met en application tout ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, parmi les points qu'on a vu, on doit faire attention aux tentations de ce bas monde. Si pour nous cette dunya, on lui donne pas plus de valeur qu'elle n'a, et on prend que ce qu'on a besoin, vous verrez que beaucoup de choses que certains ahyanen y demandent comme si c'était une nécessité vitale, le haqiqa, il n'y a pas un grand besoin. Enfin, celui qui a cette qana'a et qui connaît la valeur de dunya, ça va lui éviter de demander dans beaucoup de choses. Madame, s'ils demandent, c'est du plus. Ils ont à manger, ils ont à boire, ils ont à dormir. Même si ils n'ont pas énormément d'argent, mais ils ont de quoi vivre. Tu les trouves, ils demandent et ils insistent. Su'al, mas'ala, bi'ilhaf. Qu'anahum, ils ne possèdent rien. C'est ça qui est madhmoum. Et c'est ça que l'ulama, en se basant sur les hadiths du prophète alayhi salatu salam, ils mettent en garde dans ce genre de livre. Qala, wa la yambul ar-rajul hatta ya'ifa amma fi aydi an-nas wa yatajawaz amma yakun minhum. Hada, on l'a vu dans le chapitre précédent. Ou dans un autre chapitre. Qala, wa as-su'al min al-ikhwan malalun wa min ghayrihim dhidd an-nawal. Kalamun tayyib. السؤال من الإخوان le fait de demander خاصة si c'est une habitude من الإخوان أي de tes proches tes amis tes voisins ta famille celui qui s'habitue à demander face ça sera une cause de malal les gens ils en auront marre très très vite Thomas ils auront une très mauvaise image de cette personne Obama ils l'éviteront etc et ils le rabaisseront et ils lui donneront plus même s'ils lui donnent ils lui rappelleront toujours donc faire attention. Faire attention de ne pas causer du tort à ses frères en leur demandant, ça devient une habitude. قال ومن غيرهم ضد النوال. Et demander à autre que ses connaissances, proches, amis, ضد النوال. Non, l'insan il demande et il aura l'inverse, il n'aura rien. Il aura que rejet et humiliation. En général, et certains ils donnent. قال وأنشدني الأبرش. قال أي ce poète أنبل بنفسك أن تكون حريصة إن الحريص إذا يلح يهان. قال من يكثر من نعم من يكثر التساء التسأل نعم أي كان هو سامو qui ressemble à al-mas'ala at-tas'al. On répète man yukthiru at-tas'ala min ikhwanihi yastathqiluhu wa hadhuhu al-hirman. Kalamun jamil. Celui qui dépasse les limites fi hada yukthir at-tas'al ay yukthir as-su'al wa at-talabat. Daiman il a besoin de quelque chose, prête-moi telle chose, donne-moi telle chose, prête-moi tes clés, je te les rends, prête-moi telle chose. Ba'dhum ils sont hakada tous les jours. فقال يستثقلوه il deviendra très très lourd. وحظه et le résultat ça sera le hirman. Ils lui donneront plus à force. Et ça sera une cause bien sûr de rabaissement et d'humiliation. ثم قال واخبرنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا خطاب ابن عبد الرحمن الجندي قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال كان اكثم ابن صيفي يقول السؤال وان قل أثمن من النوال وإن جل صحيح ولو سيسب الإنسان يفعل attention أنه il se laisse aller il pense mais c'est pas grand chose le fait de demander premièrement c'est une cause d'être rabaissé humilié كما تقدم et كذلك c'est une cause de devenir lourd même si c'est peu قال أبو حاتم رحمه الله لا يجب للعاقل أن يبذل وجهه لمن يكرم عليه قدره ويعظم عنده خطره فكيف بمن يهون عليه رده ولا يكرم عليه قدره وأبعد اللقاء الموت وأشد منه الحاجة إلى الناس دون السؤال وأشد منها التكلف بالسؤال لأن السؤال إذا كان بنجاح أو بنجاح الحاجة مقرونا لم يخلو من أن يكون فيه ذل السؤال نعم ولو سي الإنسان إلى أن بزوان ولو سي الإنسان إلى أن بزوان لفت دموندي ترسنتيرا سجن قال وإذا الحاجة لم تقضى كان فيه ذلان موجودان ذل السؤال وذل الرد. C'est les deux points qu'on a cités précédemment. Vous vous rappelez قوله قال حط لنفسه مرتبتين. Ça lui fera du mal dans deux choses. Il les a cités ici. ذل السؤال et cette gêne quand tu demandes, tu te sens humilié, c'est très très dur. وذل الرد et s'il refuse, c'est encore plus, c'est encore pire. قال وأنشدني منصور بن محمد الكريزي قال لا يحش الصديق منك بفقر لا ولا والد ولا مولود فذاك ذل إذا سألت بخيلا أو سألت الذي عليك يجود هنا أما demander à un بخيل فلا شك أنه même si là il refusera c'est une cause d'être humilié rabaissé. Demandez à al-bakhil. Bakhil, c'est un avare. Même s'il ne donnera pas. Va les mains à lui demander. Qala, ou sa'alta alladhi alayka, yajoudu. Anam. Dans tous les cas, c'est minad dhul. Thumma qala, akhbarana Ahmad ibn al-Hassan ibn Abdil Jabbar bi Baghdad. Qala, haddathana Ali ibn al-Ja'd. Qala, anba'ana shu'ba anil a'mash. Qala, sami'tu al-ma'rur. Al-ma'rur ibn al-Suwayd. Yuhadithu an Abdillah. Qala, إن في طلب الرجل الحاجة إلى أخي فتنة إذا أعطاه حمد غير الذي أعطاه وإن منعه ذم غير الذي منعه إيه نعم سي إن فتنة كما قال بعض الناس صحيح إذا عيب السنيبو أنهم إذا طلب الرجل الحاجة إذا أعطاه حمد غير الذي أعطاه بعضهم يدموند à un tel من الناس et quand il leur donne ils remercient un autre ils sont pas reconnaissants vers celui qui l'a aidé وإن منعه Et si un tel il refuse de leur donner, ils en veulent à celui qui les a privés pour eux et à d'autres. Alors que c'est eux les responsables. C'est pour ça que l'insan il doit avoir ce sens de la responsabilité. Encore plus celui qui est responsable d'autres personnes, qui est marié, qui a des enfants, il s'occupe de ses parents. Il doit avoir ce sens de la responsabilité. Il ne peut pas compter sur les autres. Essaye de faire des efforts pour que c'est toi qui fais profiter les autres. Niveau din, niveau ilm. Kadalik, si Allah subhanahu wa ta'ala fataha alayka fi umur al-dunya, kadalik, c'est toi qui aides les autres. On ne va pas oublier ce sens des responsabilités et être toujours les derniers. Être comme des assistés. Ce n'est pas taïeb, ya akhi al-karim, pour ton dîn et kadalik pour dunyak. Pour ton dîn et kadalik pour tes affaires de ce bas monde. Là, faire des efforts et toujours essayer de faire du khayr. قال أبو حاتم رحمه الله لو لم يكن في السؤال خصلة تذم إلا وجود التذلل في النفس عند الاهتمام بالسؤال وإبدائه لكان الواجب على العاقل أن لو اضطره الأمر إلى أن يستف الرمل ويمص النوى أن لا يتعرض للسؤال أبدا. Pour conclure, قال si في السؤال le fait de demander il y aurait que le fait d'y penser, tu sens que c'est un rabaissement. Le fait d'y penser, on répète, un homme, il a besoin de quelque chose et il pense à demander à un frère. Le fait d'y penser, ça te met mal à l'aise. S'il n'y aurait que ça, wallahi, c'est suffisant. Comme a dit Ibn Hibban, « An yistaf ar-raml wa yamus an-nawa ». Yamus an-nawa, ay sucer les graines, les noyaux, matalan d'un fruit, pour patienter. هذا سميثا pour montrer أن ولو si tu as peur أخي الكريم ولو si tu as peur et tu peux éviter المسألة tu dois patienter. أما si on s'habitue à la moindre des choses, الحمد لله الأمر واسع, on peut encore patienter, on peut encore faire des efforts, لكن بعضهم la moindre chose خلاص ils ouvrent les portes à demander, à s'endetter, ils se font beaucoup de mal. لماذا لأن cette dunya c'est une fitna. La chaque tu seras éprouvé dans ta santé, dans tes biens, dans tes enfants, dans beaucoup de choses. Parce que si on ne s'habitue pas à patienter et laisser certaines portes fermées et on les ouvre qu'en cas de dharoura, une nécessité vitale, un grand besoin, parce que si on ouvre les portes à chaque fois, là, qala, fa amma. قال on répète نعم لا يتعرض للسؤال ابدا ما وجد اليه السبيل. Bien sûr tant qu'on peut. قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. الانسان tant qu'il a la capacité. قال لم يحرج في فعله ذلك كما نعم j'ai loupé une phrase. On répète ما وجد اليه السبيل فاما من دفعه الوقت الى ذلك فسال من يعلم انه يقضي حاجته او ذا سلطان لم يحرج في فعله ذلك. Ça c'est un kalam tayyib. Dans certains cas, tu n'as plus le choix, tu as fait toutes les causes et tu as certains besoins, des choses de nécessité vitale pour toi ou pour tes enfants. C'est permis, mais ces précisions qu'il a citées, elles sont importantes. قال فمن سأل من يعلم أنه يقضي حاجته. أولا, si l'insan il demande à quelqu'un qui connaît, il sait qu'il l'aidera. Et on le répète, l'afdal, pour ne pas sentir cette humiliation, ce rabaissement et cette gêne, c'est de demander un prêt. Ah, c'est un moubah, c'est permis. Demander un prêt et ton frère est patient avec toi. Et on a déjà fait une nasiha fi hada, kadhalik, cette histoire de prêt, il y a beaucoup de problèmes. C'est pour ça que celui qui demande, Wallen, il demande à un frère de confiance. Et ce frère de confiance, il prête à un frère de confiance. Il y en a comme une machaque. Les bardoms, ils ont des besoins. Et pour demander, ils sont là. Ils ont un bon comportement. Ils respectent le rendez-vous. Pour rendre, c'est tout autre chose. Bardoms, ils éteignent le téléphone. Ils répondent plus. Ils font des problèmes aux frères qu'à prêter. Ah, c'est pas un bon comportement. C'est pas un bon comportement. C'est une injustice envers ce frère qui a aidé. Et qu'adalé que ça ferme les portes, les frères. On vit à une époque, là, beaucoup de frères, ils ont. Là, qu'ils ont peur de prêter. Ils craignent les problèmes, les machaques. La perte de temps. Faliada, celui qui prend cet engagement de se faire prêter de l'argent, il rembourse. Et s'il ne peut pas rembourser, ça arrive, comme on a vu dans un dars il y a quelques jours, un amfi, la muhadra sur riba, sur l'usure. S'il ne peut pas, celui qui a prêté, il repousse l'échéance, et celui qui doit l'argent, un bon comportement. Wali'atidhar. Et il s'excuse auprès du frère. Amma, khalas, rendre le frère qui a prêté comme si c'était lui l'injuste, ne plus lui répondre, lui faire des problèmes. Bardoum riba ou namima, il l'accuse, la médisance. C'est un mauvais comportement. Amma, là, chacun a celui qui a prêté. Si son frère il s'excuse et il a un bon comportement, il va lui laisser du temps. Mais avec un bon comportement, il va lui alléger sa dette. خاصة s'il est à l'aise niveau argent. هذا c'est un tambih qu'on a fait كثيرا et qu'on refait هنا. قال ومن استغنى بالله أو on revient أو ذا سلطان. هذا كذلك c'est permis. Ça c'est permis de demander au sultan dans un bilad muslim. Et ce musulman, il est vraiment en besoin, il demande aux autorités. فَفِيَادَ الْحَالِ يَجُوزُ أَمَّا بِلَادَ الْكُفْرِ أَصْلًا الْإِقَامَ فِي بِلَادَ الْكُفْرِ لَا يَجُوزُ. Celui qui a la capacité de se déplacer, فَلَا يَجُوزُ لَهُ de vivre هنا. أَمَّا demander à هَؤُلَا et tendre la main à هَؤُلَا, comme on a dit au départ, c'est il ne te donne pas هكذا. Vous avez remarqué que Fibulad al-Kufr, il y a beaucoup d'aides. L'imam, le système, il est fondé sur une énorme injustice, sur le riba, sur ils prennent des salaires des autres pour donner. C'est un système de socialistes, de communistes. Ils ont une caisse pour tout le monde, ils prennent aux riches pour redonner aux pauvres, sans avoir bête. C'est pas comme le système des musulmans avec une zaka, un pourcentage. Là, ils te prennent, tu es d'accord ou pas. Ils ont beaucoup d'aides, beaucoup d'argent à donner. Et cet argent-là, ils le donnent min bab fi'l khair. Wallah, c'est pour manipuler la masse. C'est pour, en échange, ils ont des énormes gains. Et hatta ils te rabaissent et ils te font du mal à ton tawakkul. Fi bilad al-kufr, yuharibuna 'aqidat al-mu'min kathiran avec ses aides. Tu ne travailles pas. Enfin, ils vont te donner. Pour tes enfants, ils vont te donner. Lakin fil muqabil, ton cœur il va faiblir et tu auras beaucoup de mal à te séparer de Honak. Et maintenant, les enfants, ils vont te donner, là, c'est une obligation, l'école. Et à l'école, ils les combattront. Ils les combattront fi aqidatihim. Et beaucoup de choses. C'est pour ça que ce musulman, quand il vient fi bilad l'islam, en général, dans les pays musulmans, il n'y a pas beaucoup d'aide ou pas d'aide par rapport à bilad l'kufr. Et tu trouves, au départ, le musulman, vu qu'il a, ce musulman, il a grandi Obama dans ce pays, il a eu cette habitude. À chaque fois des aides dans ci, dans ça. Et la République des musulmans, c'est un tout autre système. C'est un tout autre système. C'est fondé sur tu as de l'argent si tu travailles. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. C'est ça la base. Et c'est comme ça, c'est normal. Lakin, ce manque d'éducation faible à l'islam, au départ, c'est difficile. Valiada, on conseille d'Aïman nos frères. Si tu veux te déplacer, ne pense pas que c'est l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ebeden. Et là, tu peux avoir des millions. Et si tu arrives vibler des musulmans et tu n'as pas de tawakkul à Allah, ça sera très très difficile. Il y a la première étape, celui qui veut faire al-hijra et que ça soit facilité, bi-idnillahi azza wa jal, apprendre son din, apprendre sa aqida, augmenter son iman. Il tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous verrez que c'est une porte ouverte à tout le bien. Qal, lam yuharaj fi fi'lihi dhak. Celui qui demande dans ce cas, il n'y a pas de mal. Ça, c'est un autre point important. Si on te donne et on t'aide alors que tu n'as pas demandé, bien sûr, il n'y a aucun mal. Là, on ne doit pas tomber dans l'excès. Al-Bard, ils comprennent mal. Ils comprennent mal. Ils ne font pas la différence entre tendre la main et c'est lui qui demande et accepter. Elle a dit, il y a un cadeau d'un frère. Ça, c'est différent. Tendre la main, taqaddam ma'ana. La base, c'est haram. Dans certains cas, c'est permis. Mais si on te donne et tu n'as rien demandé, fahmadillah. An Ibn Umar, radiyallahu an, qala sami'tu Umar, radiyallahu an, yaqul, kana Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, yu'atini l'ata, fa aqul, a'atih, man huwa afqar ilayhi minni. Donc, Ibn Umar, il rapporte que son père, Umar, radiyallahu anhum, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني le prophète صلى الله عليه وسلم il lui donnait من هذا المال il lui donnait de l'argent et Omar il disait ya Rasulullah donne-le à des personnes qui ont plus besoin que moi. Ça montre al-wara' ou al-ifa. Haoula, ils ont été éduqués par le prophète صلى الله عليه وسلم avec le wahy, avec la révélation. Ils n'avaient pas de tam' radiyallahu anhum. Anzur, il a pensé directement à ses frères. Il a dit, ya Rasulallah, donne-le aux autres qui ont plus besoin. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, khudhu, idha ja'aka min hadal mal shay'un wa anta ghayr mushrif wa la sa'il, fa khudhu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Omar, prends-le. Si cet argent, il arrive, alors que tu n'as pas demandé, et que tu n'as pas هذا الحرص هذا الطمع dans le cœur, فبخله. قال فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. Ça, ça nous montre quoi? Ça nous montre que quand ton frère il te fait un cadeau, Akhil Karim, ne le repousse pas. Et là, ça, c'est une éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la Ummah. Si quelqu'un te donne le Obama, si tu refuses, il peut le prendre mal. Si il te donne, prends-le. Tu l'as pris, ça fait plaisir à ton frère. Celui qui te fait un cadeau, c'est qu'il t'aime, c'est qu'il veut ton bien. Prends-le pour ne pas le froisser, pour ne pas l'énerver. Prends-le et dis-lui barakallahu fi. Et si après tu veux le donner à un qui a plus besoin, alhamdulillah, tu as le droit. Amma le principe عند البعض un cadeau ça se vend pas ou ça se donne pas, ça c'est batil fil islam. Quand on te donne quelque chose, ça t'appartient, tu en fais ce que tu veux le vendre, tu veux le redonner. Si tu sens ou tu sais que quelqu'un a plus besoin que toi, plutôt donne-lui, lakin ne refuse pas. Fa qala nabi sallam khudhu, prends-le. Lakin bien sûr, si c'est pas une mas'ala, فلهذا قال ولا السائل, si tu n'as pas demandé, فprends. قال وما لا فلا تتبعه نفسك. قال السالم, سالم le fils de عبد الله ibn عمر. Donc son grand-père c'était عمر ibn al-Khattab. C'est lui qui a rapporté le hadith عن أبي عبد الله ibn عمر, عن عمر son grand-père. سالم il a dit فمن أجل ذلك كان ابن عمر, et son père, لا يسأل أحدا شيئا. Salim il a dit, c'est pour ça que mon père, Abdullah ibn Omar, il ne demandait rien à personne. Il a compris ce hadith, wala sa'il. Ne demande pas aux autres, si on te donne, prends. Il ne le demande pas. Enfin, Abdullah ibn Omar, il ne demandait rien à personne. Wala yarud shay'an. U'tiyahu. Kadhalik, il ne refusait pas quelque chose qu'on lui donne. Quand on lui donne, sans demander, prenait. Amma huwa, il ne demandait pas. Al hadith, il est fi sahih al-Bukhari et sahih muslim. Donc c'est le dalil de ce point qu'Ibn Hibban il a cité. قال ومن استغنى بالله أغناه الله. Et ça c'est très très important. من استغنى بالله. Ça c'est un point pour te montrer anna la solution c'est pas fil mas'ala. Bardanès il pense que c'est le seul moyen. Et ils ouvrent cette porte et tu les trouves, ils demandent laylan wa nahara, sabahan wa masaa. La solution c'est pas ça. On a dit هذا الباب, tu le laisses fermer qu'en cas de darb. Il n'y a plus de choix. Ça arrive. L'insan a fait un accident. L'insan, sa maison l'a brûlé. L'insan a été licencié. Il n'a plus rien. Il y a des halahyanan pour se relever. Falabas. Il n'y a pas de mal. Ce n'est pas interdit. Lakin, ça devient une habitude. Là. Notre habitude, ça doit être hada. Wa man istaghna billah, aghnahu Allah. Comme dans le hadith d'Abi Sa'id, radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, قال, wa man yasta'fif, yu'iffahu Allah. Wa man yastaghni, يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الحديث اللي في البخاري ومسلم. الشاهد ومن يستغني يغنيه الله عز وجل. الإمام القرطبي رحمه الله قال إلى إكسبليكي حديث قوله من يستعفف يعفه الله, قال أي يمتنع عن السؤال يعفه الله. تأمل هذا, أي يمتنع عن السؤال, أي celui قوله ومن يستعفف, أي celui qui ne demande pas aux autres, qui patiente, يعفه الله, قال أي يجازي على استعفافه بالصيانة وجهه والدفع فاقته, أي celui qui patiente et il espère ما عند الله, et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il lui donnera. Hatta il évite de tendre la main à un autre et de se rabaisser ou d'être rejeté ou humilié. قوله ومن يستغني قال أي بالله عما سواه قال يغنيه أي الله فإنه يعطيه ما يستغنى به عن السؤال. قوله celui qui يستغني, ça veut dire quoi? أي يستغني بالله, أي il attend الفرج من الله. Il espère que Allah il lui donne et il demande pas, il patiente. قال الله سبحانه وتعالى يعطي ما يستغني به. Allah سبحانه وتعالى il lui donnera de quoi combler ses besoins et afin qu'il ne demande pas aux autres. C'est ça la solution ya ikhwan. On doit pas négliger ce genre de hadith, c'est des hadith عظيم. ثم قال ابن حبان رحمه الله ومن تعزز به لم يفقره كما ان من اعتز بالعبيد اذله الله. ثم il a rapporté للإسناد. ولقد حدثني محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا أبو الهيثم خالد بن يزيد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر قال قال أبو معاوية رجل من ولد كعب بن مالك, نعم هذا زنفان دي كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه, لقد رأيتني أنضح أول النهار فأضرب آخر النهار على بطني بالمعول في المعدن. قال قلت لقد لقيت مؤونة. قال أجل, إنا طلبنا الدرهم من أيدي الرجال ومن الحجارة فوجدناها من الحجارة أسهل علينا. كلام جميل. هكذا يزيد السلف, هكذا أي il a comparé le fait de travailler dans un عمل شاق مثلا كما قال المعدن dans le fait de creuser la roche, travailler dans la pierre, creuser, porter. خاصة à leur époque, il n'y avait pas le matériel qu'il y a aujourd'hui. C'était tout à la main. Et تأمل هذا العمل pour te sensibiliser encore plus la difficulté de travailler dans ce genre de عمل du matin au soir. Et à leur époque, il n'y avait ni week-end, ni vacances. ولا شيء من هذا. Et pas de matériel. C'était qu'avec la main. Et la pioche. فقال, il a connu cette difficulté. ثم قال أجل إن طلبنا الدرهم من أيدي الرجال. Il a dit on a essayé, on a demandé aux gens. Et كذلك on a connu la difficulté de travailler في الحجارة. Ce travail difficile qu'on a cité. قال, donc il a fait la comparaison des deux. فوجدناها من الحجارة أسهل علينا. Il a dit le fait de travailler dans ce travail, dans la roche, dans la pierre, du matin au soir, c'est plus facile pour nous que de demander aux autres. هكذا العف, هكذا المؤمن. Surtout s'il a une bonne intention et ce travail du matin au soir, il est récompensé. S'il travaille pour préserver son nefs, pour ne pas mendier, pour ne pas tendre la main aux autres, pour préserver l'honneur de sa famille, de ses enfants, pour subvenir à leurs besoins, ne négligez pas. C'est une ibadah azim. C'est pour ça qu'on doit faire attention à soi-disant délaisser l'amal, délaisser les asbab pour se consacrer au din, faut m'attendre la main. Ça c'est une fitna. Personne n'a donné cette responsabilité à personne. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala amurak bi akhdi al-asbab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé à travailler, bien sûr dans le halal, à se consacrer soi-disant au din, au talab al-ilm, thumma faire les mendiants avec des quêtes, tous les masajid, dans tous les salons, dans tous les comptes, dans les réseaux sociaux. Ça, c'est pas min manhaj salaf abadan. Andhuru hawla, est-ce qu'ils ont dit... on va se consacrer au ilm et on va plus travailler dans ce genre de travail et on va aller demander abadan abadan cheikh mukbil rahmatullah alayh il a une nasiha jamila fi dhamm al mas'ala isma'u concernant ce point qala wa aqbah min hadha ma yahsul min ba'd talabat al ilm yudhi' waqtahu wa yuhin al ilm wa al da'wa rakdan min ard al haramain ila al kuwait ila qatar ila abi dhabi malik ya fulan fayaqul alayya dayn أو أريد أن أبني مسجدا والسكن للإمام وهو نفسه الإمام. الشيخ مقبل رحمه الله. Ce livre il a écrit à peu près en 1410, une dizaine d'années avant sa mort. Et il est mort il y a 20 ans, donc une trentaine d'années. Cette fitna avait commencé avec les jamiyat, comme on va voir, avec بعض طلبات العلم qui était عند الشيخ مقبل في دمج. Et وعدهم ils ont commencé à voyager. مثلا quitter le Yémen qui à la base il y a plus de pauvreté que dans les autres pays du Moyen-Orient. Et pardon, ils ont commencé à aller au Saoudi, au Koweït, au Qatar. Enfin, Cheikh Mokbel, quand il a commencé à les conseiller, enfin, pardon, ils ont dit on a des dettes. D'autres, ils ont dit on veut construire un masjid et dans ce masjid, une maison pour l'imam. Alors que c'était eux-mêmes les imams. En fait, ils faisaient pour eux. Un autre, il disait j'ai besoin d'une voiture pour la da'wa. Un autre, il disait j'ai besoin de me marier. Qu'est-ce qu'il a répondu, Cheikh Mokbel? قال, إن طلب علم بنهايته الشحاثة لا خير فيه. Si ce طلب العلم, il te pousse à aller tendre la main, والله, il n'y a aucun bien. Qu'est-ce qu'il veut dire, Cheikh Mokbel, رحمه الله? Si tu as des manquements, personne ne t'empêche d'aller travailler, tu dois te marier, tu vas travailler, tu as besoin d'une voiture, c'est halal, travaille, achète ta voiture. أما au nom de طلب العلم, on m'en dit, ça c'est une fitna. Et c'est min tariqati al-ikhwan al-muslimin. فلهذا قال الشيخ مقبل ولم أرى أحدا أبصر في التلصص لاستخراج المال من الإخوان المفلسين. Hum, ils en ont fait un métier. Ils ont de la khibra. يزكسل في هذا الضلال الخبثاء الإخوان أنه سيدفنو أميتي كما قلنا يزكسل pour les dons et pour faire sortir de l'argent de la poche des مسلمين. قال فهم يصورون للناس أن القضية التي يدعون إليها هي الإسلام وإذ لم يبذل المال في هذه القضية ينتصر الكفر على الإسلام etc. صحيح dans leur quête, dans leur don, ils font croire que cet argent qu'ils récoltent, c'est pour l'islam, contre les ennemis d'islam. Et si on ne donne pas cet argent, la communauté elle est en danger. Alors que personne ne leur a donné cette responsabilité. Dans la source, beaucoup c'est de l'argent détourné, beaucoup de problèmes entre eux, beaucoup d'accusations. Et au fil des années, tu vois aucune baraka dans ce genre de procédé. قال وكلما انتهت تلك القضية ولم يرى الناس لها أثرا في نصرة الدين بل ربما تكون عارا على الإسلام شغل الناس بقضية أخرى. Exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont fini la construction de ce masjid. Une semaine après, les mêmes personnes, ils ont besoin de Madrid, d'une voiture pour la da'wa. Ils ont fini, ils ont besoin de réparer telle chose dans ce masjid. Ils ont fini, ça s'arrête jamais. Hatta ça devient un système. أنهم ils font qu'appeler à l'argent. فلهذا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قال اختصر son كلام وأخيرا فإني أنصح الذين يلهثون بعد جمع الأموال. جمع الأموال c'est les récoltes, les demandes de dons. الشيخ مقبل الله في cette نصيحة فالذي لم يتزوج قد أرشده الله ماذا يعمل. لماذا؟ لأن tous nos besoins qu'on a. On parle hein, cette dernière نصيحة avant de conclure le cours, c'est par rapport à la da'wa, par rapport à l'étude de la science et l'argent. Tous nos problèmes, on a les solutions fil kitab ou fil sunnah. Maintenant, un talib ilm qui veut se marier, alhamdoulilah, on a la solution fil Qur'an. قال عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. Patiente. Tu as fait un choix. Tu as décidé d'étudier la science. Tu te consacres au ilm. Tu n'as pas le temps pour travailler. Il y en a pour se marier, khasatan au départ, il faut un minimum d'argent, etc. Patiente. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. N'aie pas peur. Allah subhanahu wa ta'ala il te donnera et tu te marieras comme les autres. Faqat tu es prouvé au départ, est-ce que tu es sincère ou la. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Une autre solution du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Celui qui veut se marier et il n'a pas les capacités, fa an-nabi sallallahu alayhi wasalam qala man lam yastati', celui qui peut pas, fa alayhi bis-sawm, jeûne, ça va te calmer cette shahwa que tu ressens. Et kadhalik le jeûne c'est min taqwallah, c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala il t'ouvre les portes et consacre-toi au ilm. Wa iyyak ce système al-an qui est très très propagé. Des quêtes pour marier Foulane, des quêtes pour faire telle chose. Ihdhar min hada, consacre-toi au ilm. C'est une cause de problème. Et demandez autour de vous, ceux qui sont rentrés dans ce système des dons, des récoltes, vous verrez tous les problèmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la voie des salafs. On peut s'entraider. Madalan, Anna, je suis à l'aise, j'ai de l'argent, je connais un frère, talib ilm, qui fait des efforts. Au contraire, pour qu'il ne tende pas la main aux autres et pour que ce qu'on consacre au ilm, moi, je suis à l'aise et c'est moi qui le marie. Pas besoin de. Tout ce Al-Haylaman, tous ces affiches, tous ces annonces dans les sites, dans les. Pas besoin de tout cela. Un ou deux frères, maintenant on se met d'accord et on aide ce frère, on le marie. Fisabilillah. Et lui il continue, Alhamdulillah, on est à la khair. Comme il faisait Salaf. Qala, rahimahullah. Ala anni ansah al-aghniya bi musa'adatihi min ghayri an yas'al hatta yatafarrogh lil-ilm wa ta'lim. C'est ce qu'on vient de citer. Cheikh Mokbil a conseillé les musulmans qui sont à l'aise niveau financier, niveau argent. بمساعدتي هؤلاء دي هؤلاء لماذا لأن طلبة العلم ils sont utiles pour eux-mêmes et pour la communauté. Sinon on les aide et on les laisse pas tomber dans cette fitna de tendre la main d'aller vers certaines associations qui vont les retirer min al-ilm et qui vont les remettre des choubas et qui vont leur donner de l'argent avec des conditions, surtout si ces associations elles sont fondées sur le haram, les votes, les photos, l'argent dans les banques, tout ça sur Mourbil il l'a cité, je résume. هذا يبطل خير. C'est une fitna pour ce talib. قال رحمه الله والذي عليه دين أنصحه أن يعمل حتى يقضي الله دينه. نصيحة طيبة. بعضهم كذلك ils peuvent travailler لكن ils chargent un tel, ils parlent à un tel que pour qu'une quête elle se lance. Pourquoi? Parce qu'ils sont endettés. Cheikh Mourbil قال celui qui a une dette il peut travailler qu'il travaille. Tu n'as pas besoin d'alerter un tel, prévenir un tel, pourquoi? Parce que tu es endetté toi aujourd'hui, demain ça sera un autre et ça s'arrête plus jamais. Et les dons ça s'arrête plus, les quêtes ça s'arrête plus. Pour moi c'est une source de problème. Aliyada, comme Allah Cheikh Mokbel, celui qui veut salam, être préservé, tu as une dette, tu peux travailler, travaille. Travaille un mois, six mois, un an, rembourse ta dette. Donc, alhamdoulilah, tu as toute ta vie pour étudier l'ilm. قال وهكذا بنا المساجد لا يجوز أن يهين نفسه ويهين العلم والدعوة من أجل بناء مسجد. Même la construction d'un masjid. Alors, dans les réseaux sociaux, tous les jours, des constructions de masjid ou de... Tous les jours. Cheikh Mokbel, rahimahoullah, قال, même la construction d'un masjid, on n'a pas le droit de se rabaisser, tendre la main pour la construction d'un masjid. ويهين العلم والدعوة, surtout au nom du ilm et de la da'wa. لماذا لأن les gens, qu'est-ce qu'ils voient là? Dans certains masajid, khasatan al-awam, ils disent ha'oula, ils prétendent suivre la sunna, ils prétendent telle chose, ils prétendent propager l'ilm, on voit que argent. Argent, des quêtes, et Allah alam, cet argent, elle va. Ahyanan, on ne voit pas les résultats. Ahyanan, même si on voit certains résultats, ils font que ça. On n'a pas le droit de rabaisser la da'wa à ce niveau. La da'wa, c'est pour propager l'ilm. La da'wa, c'est pour propager al-khayr. Et bien sûr que la da'wa a besoin d'argent. Ne pas comprendre de Adam, là on reste tous les mains croisées. Là, lakin, on s'entraide comme ils s'entraident des salafs. Et on s'écarte de ce procédé des ikhwan. Tendre la main et occuper les gens filmés jid. Vous avez remarqué que l'un dans certains masajid, l'imam il a peine fini de taslim, wahid il se lève et ça commence. Il laisse même plus les gens faire dhikr. Et bardoum, ils ont. Dans certains masajid, ils ont. Ils ont beaucoup. Et continue. Pourquoi tu as utilise déjà l'argent que tu as? Limada, continuer. Limada. Et il y a tellement des grosses sommes, plus personne sait où ces sommes elles sont parties. Et ça fait une énorme fitna entre musulmans. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la voie des salafs. Ce n'est pas la voie du prophète. Alayhi salatu salam. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. Celui qui s'écarte de la voie du prophète عليه الصلاه والسلام, c'est une cause pour tomber dans le fitna. Al fitna al salaf al imam ahmad et autres rahimahumullah, ils l'ont expliqué par shirk et autre que shirk. Et le fitna, c'est qui t'écarte du haqq. ثم قال الشيخ مقبل رحمه الله فالرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبني مسجدا. On doit se poser كذلك la question en tant que salafi, en tant que sunni. Si on est des sunnis, on prétend suivre la sunna ou l'athar, et la voie des salafs. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, si on réfléchit, il a voulu construire un masjid, ben il en a construit un. Comment il a fait? Est-ce qu'ils ont lancé une quête des dons fil Medina? Ils auraient pu, chaque tribu envoie quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une quête des dons, c'est pour du khir, c'est pour construire un masjid. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait? On n'a pas le droit de se rabaisser, et encore plus au nom du din, pour la construction d'un masjid. Le masjid, tu peux le construire, tu le construis. Tu ne peux pas laisser un autre, Allah, il facilitera un autre qui le construira. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. Il a demandé la valeur de cette terre pour construire le masjid quand il est arrivé à Medina, et il a demandé. Et il voulait acheter du commerce. C'est bien sûr, c'est halal, c'est moubah. أي قال شيخ مقبل أي من أجل أن يبني فيه مسجدا فقالوا بل هو لله ولرسوله. انظروا الله كم يلوب لبقه. La niya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était d'acheter cette terre pour construire un masjid quand il est arrivé à la Médine. Ils lui ont répondu quoi? هؤلاء الأنصار الصالحين رضي الله عنهم, ils ont dit بل هو لله, ils ont dit il est pour Allah et son messager. Eux-mêmes ils l'ont mis waqf sans que personne ne demande, sans que personne ne se rabaisse. Hakada les choses. Ils auraient voulu le prix, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient payé le prix, ils auraient construit le masjid, sans demander à un tel ou à un tel. قال الشيخ مقبل رحمه الله على أنه يمكن أن يبني مسجدا من الطين واللبن بنحو 100,000 ريال يمني والوقت الذي تصرفه في المسألة يمكنه أن تصرفه في عمارة المسجد والعمل فيه ودعوة الناس إلى العمل بأيديهم. Ça c'est un point important. Autre chose, on a un problème كذلك avec ces dons et ces quêtes. Si on prend toujours l'exemple du masjid, on qadar, il y a vraiment un besoin. Et on qadar, personne ne veut s'avancer, on s'entraide entre frères. Sans tout ce système, on se fait passer le mot, on s'entraide pour ce masjid, on a besoin pour la Ummah. Une des choses importantes que Cheikh Mokbel a cité, c'est la valeur. Tu trouves, pour l'agrandissement de certains masjids, une pièce, Ça parle en 50 000, en 100 000, en 200 000 euros. Si on ferait des économies et on prendrait des choses, on n'a pas besoin de décorer, on n'a pas besoin de plus, on resterait sur le minimum. Certains masajid, mathalan, comme on a vu, walillahi alhamd, au Yémen, c'est quatre murs blancs, c'est très très joli. Il n'y a pas de fitna qui dérange, décoration, quatre murs blancs avec un tapis couleur unie, c'est mashallah. On n'a pas besoin de plus. Lakin, si on veut plus et on rajoute des choses qui ne servent à rien, on va passer de, Obama, de, si on donne un exemple, de 30 000 euros, on aurait pu avoir le minimum avec de la qualité à 30 000 euros, on va passer à 60 000 euros. Que pour des choses qui sont inutiles. Et l'imad. Et kadalik le temps, c'est pour ça que Cheikh Mourbil Qal, et ce temps qui est passé à aller faire les quêtes à mendier, Cheikh Mourbil rahmatullah alayhi Qal, yumkin an tusrifahu fi imarat al-masjid. Donne un peu de temps pour rester au masjid. Vous avez remarqué que certains ils font des quêtes pour les masajid, nuit et jour, à droite, à gauche, ils voyagent, ils restent jamais au masjid. Enfin, pourquoi tu as cette envie de faire le masjid? Toi-même, tu ne restes plus au masjid. Là, prends un peu de temps pour toi-même et reste au masjid. Et ce temps de est gaspillé à demander à droite, à gauche, et il y a des surplus énormes. Mais là, fais talab al-ilm. Préserve ton dîn, préserve ton nafs. قال الشيخ مقبل فالأموال التي تكون فيها إهانة للعلم وللدعوة إلى الله أو دعوة إلى حزبية أو جعل المسجد للشحاذة فلسنا بحاجتها. نعم que le masjid, الشيخ مقبل, il a dit ça devient un lieu pour les quêtes, ça devient un lieu pour mendier, pour certains projets. الشيخ مقبل قال on n'a pas besoin de هذا, on n'a pas besoin, c'est un manque de respect envers العلم, envers la science et envers la دعوة du prophète عليه الصلاة والسلام, la دعوة des salaf. قال ويا لله كم من داعي كبير تراه يحفظ الآيات التي فيها ترغيب في الصدقة وينتقل من هذا المسجد إلى هذا المسجد وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. شيخ مقبل رحمه الله قال certains ont appris ce verset par cœur. Et si vous donnez pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vous donnera quelque chose de meilleur. صحيح, certains l'ont appris par cœur هذه. Il voyage de masjid en masjid et il récite ce verset que pour que les gens y donnent. قال الشيخ مقبل وانقلب المسكين من داعية إلى شحاذ. الشحاذ c'est celui qui fait الشحاذة, c'est le fait de mendier. فداعية إلى الله, Allah il l'a élevé avec l'ilm, il l'a élevé avec la science, avec sunna, ثم lui-même il s'est transformé en mendiant. فلماذا tout cela? لماذا? Alhamdulillah, surtout dans certaines villes il y a déjà un masjid. Ça arrive dans des villes, il y a un ou deux masjids, ils sont même pas pleins. Il y a encore de la place. Au lieu qu'on s'entraide entre nous et si on a besoin d'acheter, on achète quelque chose d'essentiel et on se consacre à l'ilm, là. 10 personnes, elles se regroupent, eux aussi veulent leur masjid. Et ils lancent une quête et ils font un troisième. Thomas, un autre groupe, un quatrième. C'est pas comme ça, ya ikhwan. C'est pas comme ça, l'ilm. Et tout cela, avant d'agir, il faut demander à ahlul ilm. Ama akada, les kulwahid, il fait tout seul. Kulwahid, il entreprend des choses tout seul. Dans la da'wah, c'est ce qui fait du mal. L'imad, il y en a, ton frère, il va te contredire. Un troisième, il va venir avec une autre idée. On va se diviser. Amma, se rassembler tous et on appelle un alim. Et on cite les besoins, ce qu'on peut faire. Et bi'idhnillah, il te donnera la solution ou des conseils. Qala, wa sadaqa al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, il yaqul, inna li kulli ummatin fitna, wa fitnat ummati al-mal. C'est une fitna azima. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé à chaque communauté, elle a été touchée par une fitna. Chaque communauté. Et la fitna de notre communauté, c'est le mal, c'est l'argent. قال وتلكم الجمعيات التي لا يؤذن لها إلا بشروط أن تكون تحت رقابة الشؤون الاجتماعية وأن يكون فيها انتخابات وأن يوضع مالها في البنوك الربوية ثم يلبس أصحابه على الناس ويقولون هل بنا المساجد وحفر الآبار وكفالة اليتامى حرام. Et on vit à une époque, ils ont inventé ces jamiyats, ces associations, qui sont fondées en général sur le haram. Ces associations, comme dans beaucoup de masajids, si on prend l'exemple en France, beaucoup de masajids, c'est fondé sur une association. Et tu trouves dans ces associations, il y a beaucoup de haram. Des élections pour élire le président ou le trésorier. L'argent est placé dans un compte où il y a de la riba. Ils ne font pas attention, il y a de la riba. Et autres. Enfin, tout ça, on doit faire attention. Tant qu'on peut s'écarter, on s'écarte. Mais faire une association avec ces muharramat que Cheikh Mourbil l'a cité, et pour mendier, alors qu'il n'y a pas de nécessité vitale, il n'y a pas un grand besoin, on peut s'en passer. Tout ça pour avoir plus de confort ou de luxe. Enfin, on doit faire attention. C'est pas ça la voie des salafs. Prenez l'exemple, ya ikhwan, de la da'wah de Cheikh Mourbil, rahmatullah alayh. c'est le meilleur exemple. Ni association, ni mendicité, ni luxe. La kin sobre, la patience. Le masjid que Cheikh Mokbel il a fondé, rahmatullah alayhi, évidemment, c'est 4 murs blancs, un énorme masjid. Un tapis et d'oros leil ou nahar. Ilm intashara ila dunya. Et cette assise ensemble, c'est un fruit de cette da'wa. Alhamdulillah, sans mendicité, sans rien. Ils ont mangé comme tout le monde, ils ont fait da'wa plus que la plupart. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a préservés, il les a élevés. En pardon, tu les trouves de don en don, de quête en quête, et leur da'wa, tu trouves presque aucune trace. Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi. Vous l'avez déjà entendu, Cheikh Al-Albani, faire des quêtes, faire des dons, j'ai besoin d'un centre. Abadan, il faisait cours dans des garages chez lui. Allah subhanahu wa ta'ala fataha alayhi, regardez son ilm. Tu trouves l'un min du'at al-ikhwan ou man tashabaha bil-ikhwan. Et sadda'un nas. Le maintenant on se voit avec ses quêtes, avec ses dons, tu ne trouves aucune trace. Belle, les traces que tu trouves, c'est Al-Furqa. Jam'iyya Tihya al-Thurath. Une grande jam'iyya au Moyen-Orient, au Koweït, avec des milliards, des énormes moyens. Ça a été la cause de la plupart des fitna dans la da'wa. L'imam a donné de l'argent à Hada, privé à Hada, des conditions à Hada, harraj Hada contre Hada, et regardez les fitna que ça a fait. L'imam a dit, suivre la voie des salafis, baraka. Amma, et ça, on doit bien le garder dans notre cœur, qu'entre talab al-ilm et da'wa, ça se mélange à l'argent, c'est très très dangereux. C'est très très dangereux, surtout à notre époque. L'imam a dit, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, li kulli ummatin fitna, wa fitnat ummatil mal. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas d'argent, on n'a pas besoin d'argent, ubadan. Lakin que l'argent il prend dessus sur l'ilm et que ça devient une priorité, on pense qu'à ça, on parle que de ça, que les quêtes, que les dons, que c'est une fitna. Falihada, celui qui ne peut pas, Cheikh Mokbel ou ce qu'il veut dire, c'est fait da'wa comme tu peux. Tu ne peux pas, tu n'as pas de masjid, personne ne t'a construit un masjid. Fais chez toi, avec nous, à notre époque, wallahi, avec les moyens, chez toi, un micro, et fais profiter les frères jour et nuit. On ne parle ni argent, ni quête, ni don. On essaye de finir livre après livre. Et vous verrez le khair. Comme on essaye de faire ensemble. Wallahi alhamd. Aucun problème. Aucune fitna par rapport à l'argent. L'imam Aliana, ce qui nous rassemble, c'est l'ilm. Ce qui nous rassemble, c'est l'ilm. Wallahi alhamd. Amma, que la da'wa, ça devienne... Elle est fondée sur les dons et les quêtes. Ça fait énormément de problèmes. Bien sûr, on le répète. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'entraide pas là. Lakin, Cheikh Mokbel, il dénonce cette méthode de Ikhwan et de Hizbi. C'est cette méthode qui dénonce. Qu'est-ce qu'ils répondent à Haoula quand ils entendent ce genre de conseils de Cheikh Mokbel, rahmatullah alayhi, par exemple? Ils disent, mais Haoula, ils disent que tout est haram. Ils disent, Haoula, ils exagèrent. Ils disent, il est où le mal de construire un masjid, de construire un puits, d'aider les orphelins? Est-ce qu'il y a un mal? Cheikh Mokbel, il a répondu, rahimahullah, fayuqalu lahum, ya ayyuhal mulabbisoun. Arrêtez de ruser. Arrêtez de changer les choses. Qala, man qala lakum inna hadhi haram? Qui c'est qui a dit aider les orphelins à construire un masjid et creuser des puits, c'est haram? Personne ne dit que c'est haram. Qala, fal haram hiya al-hizbiyya. Ce qui est interdit, c'est le hizbiyya. C'est que cette association, le but, c'est que l'argent, c'est pour diviser. Si t'es avec eux, ils te donnent. Si t'es pas avec eux, ils mettent en garde et ils ne te donnent plus rien. Et ils divisent les frères. Ça, c'est haram. Certaines associations, si tu n'es pas avec eux, ils mettent en garde. Et l'argent, tu ne recevras jamais un riel. Ça, c'est tahazzoub. Ah, mais bien sûr que céder entre frères, c'est permis. Ben, c'est recommandé. قال وفرقة المسلمين وضيع أوقاتكم في أوقاتكم في الشحاذة ولقد انقلبت العمرة في رمضان إلى شحاذة. صحيح. À l'époque de Cheikh Mokbel, déjà, certains ils allaient vers l'Umra, c'était pour mendier. Ils faisaient l'Umra là une heure ou deux heures, ثم de masjid à masjid. Alors qu'ils ont. Lakin ba'dhum, c'est une fitna. C'est pour ça que c'est très très dangereux. Pour comprendre encore plus, c'est que si on ouvre les portes à Hada, maintenant on qadr entre nous, on ouvre cette porte. On lance une quête aujourd'hui. On lance une quête, hein, il va donner 100 euros, l'autre 200, l'autre 1000, l'autre 500. On va avoir une certaine somme, pour un besoin, on va le faire. Qui c'est qui nous garantit qu'on ne va pas refaire une deuxième fois? On va refaire une deuxième fois. Comment on va commencer à inventer des projets? Touma, ayyadam billah, si l'insan il n'est pas thabété, il est faible, il va commencer à mentir, il va commencer, mais il y a un besoin, mais si, et ça va commencer les problèmes. Et les frères en auront marre, ils viennent pour écouter les cours, le cours il dure 10 minutes, la demande elle dure 30 minutes. Bah donc c'est ça, le cours il dure 10 minutes, la demande 30 minutes. Thumma, les frères m'ont donné une fois, deux fois, thumma, tu te sentiras pas à l'aise. Al fitra al rajad hada. Fahdharu min haula al mulabbisin. Qala, وهناك غير واحد يركضون باسم الدعوة أهل السنة بدماج وذلك يطلب تزكية وذلك يطلب شفاعة إلى آخره. ما الشيخ مقبل إلى ميان قاعد كنت سيختان دو سيزلاب أي سيختي دو دماج et au nom de la da'wah il disait Cheikh, on est des élèves de Cheikh Mokbil et on est à Damaj et on a tel besoin, et les gens vu qu'ils aimaient al khayri, vu qu'ils aiment cette da'wah, ils aidaient. Cheikh Mokbil dans cette muqaddimah il a cité la date le 3 du mois de Dhul Hijjah 1413, il a dit tous ceux qui viennent en mon nom je n'accepte pas. لماذا قال حتى لا نعين على إهانة الدعوة, on participe pas à ce mal, ceux qui venaient au nom de Cheikh Mokbil après cette date, pour dire on est des élèves de Cheikh Mokbil, on a besoin, Cheikh Mokbil n'accepte pas, ne leur donnez pas. Ils ont besoin, ils vont travailler. Ils veulent l'obl ilm, ils viennent à demain, j'ai patient. Ndorou, هذا l'imam, comme il a fermé la porte, rahmatullah alayhi. قال, ولا داعي لي عرض, نعم, ولا داعي لي عرض ما يحصل من المتسولين باسم الدعوة, فذاك يزور له ختما, وذاك يركض إلى هنا وهنا, وكأنه الوكيل الوحيد للدعوة. ثم il a dit, c'est ce qu'on vient de citer, quand la porte elle s'ouvre, qu'est-ce qu'ils faisaient certains? Ils ont fait des faux tampons de la da'wah. Maintenant, Cheikh Mokbil, il avait un tampon avec son nom, avec Marquis Damaj. Dès qu'il y avait maintenant une chose, il tamponnait. Enfin, certains, ils ont falsifié ce tampon et ils faisaient une demande et ils mettaient le tampon de Cheikh Mokbil. Andr, c'est une fitna azim. Ne pense pas que tu es à l'abri. Wallahi, on a l'argent, ça a fait tourner la tête de personnes qui avaient plus de ilm que nous, plus de connaissances que nous, plus anciens que nous. On n'est pas à l'abri. Falihada, ferme la porte. Otlob l'ilm. Tu as besoin de travailler, travaille. Tu as un manquement, alhamdulillah, tu as une famille. Vois avec tes proches. Wastour nafsak. Et tu verras que tu vas avancer, mastour. Amma se mettre en avant au nom de la da'wa, les coups de téléphone, à droite, à gauche. Et ça parle que d'argent, des grosses sommes. C'est qu'une fitna. Et regardez là, l'histoire de la da'wa. Que ce soit la da'wa salafie en France, ou là en Angleterre, ou là au Yémen, ou là n'importe où. Et tu verras. Par rapport à cette fitna, que des problèmes. Les anciens, ils connaissent ça, que des problèmes filmés. Tu trouves da'i ilallah, c'est lui qui donne les doulous, il fait des problèmes à ses élèves. Prête-moi, je te rends. À la fin, tout le monde se divise. Les mains d'Aliana, quand l'argent elle rentre, c'est une fitna. Qala, rahimahullah, بلغني ذلك عن شخص بالمدينة وآخر بمكة إلى آخره. ثم قال فمن أجل هذه الدناءة, à cause de ces mauvais comportements, de ce rabaissement, de ce manque de respect, قال رأيت أن أجمع رسالة في ذم المسألة. Pourquoi il écrit ce livre? On vient de lire une partie de l'introduction, que pour mettre en garde contre ce qu'on vient de citer. Il a décidé, rahmatullah alayhi, en 1413, d'écrire un livre sur ذم المسألة. L'interdiction de mendier encore plus au nom de la da'wa, que ce soit pour construire un masjid ou autre. Et il a écrit cette risale-là, et il l'a fondé, rahmatullah alayhi, sur, bien sûr, des versets du Coran al-Karim, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec des chapitres tayyib. Mathalan, il a commencé par Fadl al-Sadaqa, pour montrer à la chère Mobile, il n'est pas contre le fait de céder, donner, abadan. Il a commencé par les mérites de donner, sadaqa. Thumma, al-shafa'a fi sadaqa. ثم الى الصدق او plutôt la toujours sadaqa la hand ثم des abwab al qana'a, le fait de te suffire de ce que tu as, ثم l'avarice, ثم la fin des chapitres sur al mas'ala, l'interdiction de demander, dans quel cas tu peux demander, il a risala nafi'a, une centaine de pages. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarham hadha al imam rahmatan wasi'a. Et pour aujourd'hui, naktafi bihadha, le temps du deuxième dars, on l'a pris pour cette deuxième nasiha. Fa alhamdulillah rabbil alamin, et le prochain cours, bi'idnillah azza wa jal, jeudi à la même heure. Hayyakumullah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.